Benjamin Cartier. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à Terrain Incognita, votre émission de prog hebdomadaire. Et je cherche un qualificatif pour le samedi, mais je pense qu'il n'y en a pas. Fin de semaine ou l'émission du bon. Enfin, oui, ben écoutez, ce soir, on a plein de bonnes petites choses. Notamment le deuxième disque, parce qu'il y en a un autre avant. Le deuxième disque solo de Paul Bremner, de génial guitariste de Is, génial et humble, malgré tout son talent. Le disque a pour titre The Witness. On va avoir aussi une nouveauté italienne, Il Paradiso degli Orchi, réalisé par nul autre que Fabio Zuventi. Moi, je me dis que s'il a trouvé le temps de réaliser ce disque-là, c'est parce qu'il y avait quelque chose d'intéressant là. Et puis, ben, effectivement, je l'ai écouté, il y a quelque chose d'intéressant. Donc, ça aussi, on va voir ça. Nine. Ça, c'est tout nouveau, ça vient de Hollande, le Nine Stones Close, c'est leur troisième disque, sauf erreur. Et puis on a bien d'autres choses. Donc, et puis ben, on va commencer avec ce soir Sylvain. J'ai choisi une pièce de Sylvain du dernier parce que je voulais vous dire que malheureusement pour ceux qui ont hésité avant d'acheter leur billet pour Sylvain le dimanche soir 22 dans le cadre de Terrain Incognita, ben il est trop tard. Il n'en reste plus. Zéro. Il n'y a plus un billet. C'est à guichet fermé, donc. Et puis, ben là, si vous avez le goût de voir RPVL le samedi, ça, il en reste encore un peu. Mais je pense que là, il ne faudra pas trop tarder. On est à peu près un petit peu moins d'un mois, donc. Et c'est peut-être pas le temps de t'attendre. Donc, on y va avec une pièce. Moi, de ce disque-là, je pense que j'hésite à dire que c'est le meilleur Sylvain parce que j'en ai un autre en tête, là, mais quand même, Home. C'est du grand Sylvain, donc on écoute un extrait de Home. Thank you. that's about to change. Every house and every home is within range, and from those cold days saw the breath to touch her face. When back here she opens up the tempting case. What she reads unveils the fear she used to know. Bring back images from 30 years ago. Don't you let it. She often felt alone, without family and always without love, without home. And she often wondered where to find her source. That's when history was just about to take its course. And between those rockets she was not afraid. For there was no omen to annihilate. When she put the old article back inside, once again she feels just like the orphan child. Don't you let it out. Strengthen the cause of world peace. There is one sign the Soviets can make that will be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. This morning nationwide. see only one survivor, and that was me. Eyes of the bomber moving into the crowd. I open my mouth, but nothing comes out. Omnipresent shadow, silhouette against the sun. I know the final scene before the movie's done, before the song is sung. I know that melody. That I can't delay. We're staring eye to eye, but my message is unclear. Frame by premonition and electric fear. Humanity is rushing headlong into the wind. Reality is shifting, it moves again. And I am left to wonder pictures in my head. I know the final page before the book is read, before the words are said. I know that tragedy. Stop! Cette soirée vous est présentée par... La Barberie. Que se passe-t-il lorsque les brasseurs de la Barberie rencontrent d'autres brasseurs de microbrasserie du Québec? Moi, je mettrais du blé. Moi, je mettrais une levure spéciale. Ouais, une levure belge. Moi, je la ferais vieillir longtemps. Moi, je mettrais de l'eau. Peut-être une épice. Hein. Non, pas d'épice. Du kiwi. Ouais, du kiwi. Je mettrais du houblon de Nouvelle-Zélande. Du Nelson. Donc, on s'entend, les amis. On brasse une smash, une quadrupelle, une IPA belge et une sûre au kiwi. Surveillez l'arrivée de nos quatre bières collaboratives à labarberie.com. CKRL, Québec. Exact. De retour. La dernière pièce qu'on a écoutée, c'était Nine Stones Close de leur album Leaves, qui est, je pense qu'il est sorti là, présentement. Oui, il est sur le point. Je le trouve un peu plus, comment je pourrais dire, carré et élevé que les deux précédents. Je m'ennuie un peu du côté Floyd qu'il y avait avant, mais bon... Je ne l'ai pas assez écouté encore pour me faire une opinion, mais c'est ça. Pour le moment, je dirais que j'aurais aimé qu'il reste un peu fidèle au son là, des deux précédents disques, mais sous réserve, ça mérite pas mal d'écoute encore. Et puis, ben, il y avait notre ami tout juste avant, Paul Bremner, guitariste de Is, qu'on a eu l'occasion de voir. On a eu Paul, on l'a vu à trois reprises à Québec dans le cadre de Terra Incognita. Et un bonhomme très sympathique, mais un peu gêné quand on lui fait un compliment, il vient rouge comme il est pas capable d'admettre que c'est un bon guitariste. Et Dieu sait que c'est le cas. Donc, c'était son album The Witness qui sort le 26 avril. Donc, c'est vraiment la semaine prochaine. Et donc, oui, il me semble que c'est ça, là, juste pour dire, on est le 23 aujourd'hui. Oui, donc, c'est ça, dimanche, lundi, mardi, bah, OK, mardi, je compte sur mes doigts, là, mais vous ne le voyez pas. Je suis juste Bruno qui me regarde en riant. Et on avait amorcé avec Sylvan du disque Home, et puis, ben c'est ça, je vous disais en début d'émission que, mais malheureusement, pour ceux qui n'ont pas eu le réflexe d'acheter leur billet pour Sylvan, la journée Sylvan Kinetic Element et Unreal City, ben malheureusement, il est trop tard. Il n'y a plus de billets. Tout est vendu jusqu'au dernier. Et puis, c'est ce qui est en train de se faire aussi avec RPVL le samedi. Donc, si vous avez un intérêt, c'est le temps. RPVL, samedi soir, et la même journée, on a Inner Odyssey et Abel Gans, ça j'ai hâte aussi. Groupe écossais qui... a signé peut-être un an et quelques, deux ans peut-être, là, mais un disque éponyme, Abel Gant, mais c'est un groupe dont le nom roule depuis les années 80. Et puis, ben, on peut parler d'une nouvelle formation parce qu'il reste, je pense, seulement de la formation originale, ou pas originale, mais enfin, en milieu de parcours, il reste juste Dennis Smith, le batteur. Donc, mais vraiment, un très beau retour, c'est comme un second départ, et puis j'ai vraiment hâte de voir Abel Gans et puis ben, RPVL la même chose. Et le vendredi, ben, on a RPVL Plays Pink Floyd, The Man and the Journey, spectacle que Roger Waters a créé en 1969 avec Pink Floyd. C'est psychédélique là, avec du matériel de Uma Guma et de la trame sonore du film Moore. Et ceux qui ont eu le bonheur d'y voir RPVL quand ils sont venus il y a trois ans, là, le lundi après-midi, tout un show, mais c'est ce qu'on va avoir le vendredi soir 20 mai. Tout ça dans le cadre de Terra Incognita. Ben, on vous revient avec Paul Bremner, parce que je commence à pas mal l'aimer ce disque-là. Donc, un autre extrait de son second disque, The Witness. Et puis, on a d'autres choses, évidemment. Deux heures. Donc, on a une demi-heure d'écoulée. Il reste jusqu'à minuit. C'est du bon prog avec Michel et Bruno. dreamed of heaven. I dreamed of everlasting life, of absolution, of how to live and never die. I dreamed of heaven through broken stained glass panes of light. I saw salvation upon the wings of souls in flight. Thank you. odia la vertigine del traguardo. Un poco dove vuole lei, dove il mio corpo più desidera. We'll be right back. so strange. I see the traces and all the shapes of childhood still remain. Wander over the old memories. Time and tide erase this line and fade away. Never failing faith to place in rise. Cette soirée vous est présentée par... La Barberie. Quand on a 19 ans, on peut acheter de l'alcool légalement. On peut aller voter. Ça fait un an qu'on a 18 ans. On peut entrer sur les sites qui nous montrent si on a 18 ans et plus. On est né en même temps que La Barberie. Mais quand on a 19 ans, on peut être une entreprise en pleine croissance. On peut être un acteur important de l'économie sociale de Québec. Quand on a 19 ans, on peut déjà faire partie de l'histoire. Et on peut rêver aux belles années qui s'en viennent. Quand on a 19 ans, on a hâte à l'année prochaine. La Barberie, 19 ans, bientôt 20. Ne manquez pas Entraîne ta fibre le 28 avril prochain de midi à 14h. Une émission diffusée en direct de la 4e foire des entrepreneurs de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. François Bégin et ses nombreux invités issus de la communauté d'affaires parleront des 5 cycles d'une entreprise tels que le prédémarrage, le démarrage, la croissance, la maturité et le transfert. Entraîne ta fibre en direct de la foire des entrepreneurs le 28 avril prochain de midi à 14h. Seulement au 89.1. À ne pas manquer sur la fabrique culturelle... Avalé. Disparu. Oublié. Lorraine Côté propose un extrait de la pièce « Qui a peur de Virginia Woolf » présentée au Théâtre de la Bordée. Mais très loin à l'intérieur de moi-même, pour que personne s'en aperçoive. Je pleure tout le temps. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. J'ai des essuie-glaces sur mes yeux, mon Georges, depuis que je t'ai épousé. La Ligue québécoise d'impro BD, c'est un match unique où prouesse théâtrale côtoie coup de crayon inspiré. Des équipes composées de dessinateurs et d'improvisateurs s'affrontent au fil de matchs endiablés, surprenants et surtout divertissants. Dernière chance de voir la Ligue BD cette saison, grande finale 2015-2016, le dimanche 15 mai 20h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Information, liquibd.com. Et nous voilà de retour. Et Bruno et Michel, on est avec vous jusqu'à minuit. Et on va jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Il y avait, en dernier lieu, c'était un groupe italien, Witchwood, de leur disque Litanies from the Woods. Un heureux mélange, là, on retrouve un peu de Jethro Tull, un peu de Rhea Heep, vieux rock des années 70, là, c'est on peut dire réjouissant, c'est le mot. Et avant, ben, c'était Ed Bernard, guitariste de Rock Farben de Toronto, mais c'est un multi-instrumentiste, et d'ailleurs, il a quasiment enregistré le disque à lui tout seul, Polydactyl. Et je n'ai que du bien à dire de ce disque. Franchement, je suis épaté par ce monsieur Bernard qui est... Non seulement il est multi-instrumentiste, mais en plus, il a de l'inspiration. Et puis, je sais qu'il travaille déjà sur un nouveau, et puis j'ai hâte. Donc, Ed Bernard. Et ça nous venait d'Italie. C'est une nouveauté. Il Paradiso d'Egli. C'est le disque qui s'appelle... attends un peu, là, c'est Il Paradiso d'Egli, Orchi, et le disque Il Corpo Nota, produit par Fabio Zuventi. Comme je vous disais en entrée de jeu, c'est que si M. Zuventi a pris la peine, je sais qu'il compte, c'est vraiment lui, ses projets sont empilés un par-dessus l'autre, puis il essaie de tout mener ça de front. C'est qu'ici, il s'est rajouté un enregistrement de disque avec un groupe de jeunes inconnus, c'est parce qu'il y avait du potentiel, effectivement. À l'écoute, on s'en rend compte. C'est oui, prog italien, mais vous avez probablement remarqué qu'il y avait comme un peu d'inspiration des années 60 avec les Doors, notamment. Donc, il y avait bonne citation des Doors là, dans la pièce. Et On avait ouvert avec Paul Bremner de son second disque solo de Witness. Et puis, si ça vous semblait un peu familier, oui, effectivement, c'est Tom Calgano qui chante deux ou trois pièces sur ce disque-là. Il y a aussi d'autres invités. Mais en fait, tous les membres de Is ont joué sur The Witness. Et pas dans le... Comme j'ai parlé avec Paul il y a trois ou quatre jours, il me disait que c'était pas dans le même ordre... les mêmes configurations de groupe. Ils ont échangé un peu les rôles et puis ça fait, je pense que ça fait 3 ans qu'ils travaillent sur ça, Paul, et facilement. Donc, The Witness, et je pense que ça va plaire aux amateurs de Is sans aucun doute. Je vous parlais de M. Souventi. On va aller faire un petit tour du côté de l'Italie avec un des disques marquants du prog italien. Cette année ou l'année dernière, là, je ne sais plus, on est rendu en 2016, je pense qu'il sort en 2015 effectivement, donc c'est La Curva di Lesmo et c'est notre dernière heure ensemble, mais ça va être encore une fois une merveilleuse heure. Et puis Bruno, je pense que oui, on y va. Parfait, donc c'est le temps juste de vous rappeler que si... vous voulez nous rejoindre sur Facebook, évidemment, et puis nous visiter sur le site www.terraincognita.québec pour avoir les détails aussi sur le festival Terra Incognita. On continue en musique avec La Curva di Lesmo. Medica, Thank you. sarebbe stato così facile andare via. Hai distrutto ogni filosofia, lasciando il corpo ai diavoli. Come il vento, perché hai liberato l'anima. Non avrei mai pensato che potessi essere così fragile. Alle cose che non hai mai appreso alla tua realtà. Hai distrutto ogni filosofia, lasciando il corpo ai diavoli. età sopra la mia età. Evasione da un momento forse passerà, come il vento che vola ed uccide il pianto di una persona. Ça sonne années 70, et c'est un groupe des années 70, mais qui n'a pas en disqué avant, je pense, ça a repris 27 ans. Donc, Aurora Lunare, groupe italien, donc, qui a pris son temps, je pense que, comme curieusement, comme plusieurs autres Italiens, d'ailleurs, groupe italien. Et puis, on avait, ben, en fait, c'était comme un petit bloc italien. On avait tout juste avant le Il Paradiso degli Orchi, oui, le deuxième extrait de Il Corpo Nota, et on avait débuté avec La Curva di Desmo de Fabio Zuventi et de Stefano Agnini de La Conscienza di Zeno. Et comme on parlait de Zuventi, ben c'est, comme je le disais tantôt, c'est lui qui a réalisé le disque de ses genoux, là, Il Paradiso degli Orchi. Et puis, je pense que on a fait jouer, oui, effectivement. M. Zuventi nous est arrivé avec Symphonie numéro 1, Cupid and Psyche, il n'y a pas si longtemps. Et je sais qu'il est en train de mettre, peut-être pas la touche finale, ça serait peut-être exagéré, mais en tout cas, le successeur de la Quarta Vittima est en bonne voie de nous arriver. Mais je dis en bonne voie, mais enfin, peut-être il. Dernière nouvelle, je pense qu'il était rendu comme à peu près la moitié des sessions d'enregistrement. Et puis, le connaissant, ben, il doit y avoir autre chose en même temps qui est en train de rouler. Donc, on va attendre des nouvelles de ce côté-ci, de ce côté-là, mais moi, j'ai vraiment hâte de voir là, la suite de la Quarta Victima. On va rester, on va rester sur notre continent plutôt, avec Matthew Parmenter de son plus récent disque solo, chanteur de discipline, qui est, je pense que c'est son troisième, All Our Yesterdays. Un disque que j'ai aimé, mais je vous dirais qu'il y a peut-être deux ou trois pièces que j'ai un petit peu comme pas compris pourquoi avoir choisi ces pièces qui avaient comme un petit peu de racine rock and roll. C'est pas mauvais, mais ça cadre peut-être pas tout à fait avec ça à quoi on s'attend de sa part. Mais pour le reste, c'est vraiment du bon Matthew comme il nous a habitués. Et puis, j'espère à quelque part que ces petites excursions, là, comme la pièce Stuff in the Bag, j'espère que ça l'a satisfait, mais qu'il n'y a pas assez pour qu'il revienne avec d'autres expériences comme ça. Je pense que c'est ça. Là, on a des messages publicitaires qui s'en viennent. Et puis, c'est ça, c'est Matthew Parmenter qui vous revient après ces messages d'intérêt public. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Tu es mon amour depuis tant d'années. C'est là que le bonheur est l'objet d'une quête. Tu es mon amour depuis tant d'années. C'est là que le bonheur est l'objet d'une quête. La Barberie. Tu es mon amour depuis tant d'années. C'est KRL. À Québec. And the night. is pacify and placate us. Boredom is better this way. Quiet descent of the idle elder. Has it all been for nothing?

ça nous vient d'Allemagne, Frequency Drift, de leur plus récent, qui a pour titre Last. C'était précédé de Abigail Ghost, groupe américain de Louisiane, donc Abigail Ghost, de leur plus récent, Black Plastic Sun. Il y avait aussi The Tea Club, un autre groupe américain. En fait, c'était quasiment tout américain. The Tea Club, de leur plus récent, Grappling. Et c'était Matthew Parmenter qui avait donné le coup d'envoi de la dernière demi-heure avec All Our Yesterdays. Matthew, je sais qu'il travaille présentement sur le nouveau Discipline et on aura des nouvelles probablement d'ici la fin de l'année, probablement. Donc, c'est le temps de vous dire bonne nuit. Restez des nôtres, par contre. C'est dans quelques instants, Stéphane est là, c'est l'autoroute. Et puis, ben, nous, on vous invite à nous revenir la semaine prochaine. Et on vous invite aussi à visiter notre page Facebook ou notre site au www.terrainincognita.québec. C'était Michel et Bruno. Et restez des nôtres pour l'autoroute. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. CKRL. À Québec. Le Cécile Ramon est fier de vous présenter Paul Deslauriers Band en spectacle. Yeah, you got to give your love to me. Fier récipiendaire de 13 Liz Blues et de plusieurs Maple Blues Awards, le Paul Deslauriers Band se produira un soir seulement à Québec et c'est chez Cécile Ramon que cet événement blues d'envergure aura lieu. All I want is something true. Le 6 mai prochain, vous avez rendez-vous avec un groupe phare du blues canadien. Les billets sont en vente chez Cécile Ramon au coût de 15$ plus taxes en pré-vente et l'admission régulière est de 20$ plus taxes. Pour information et réservation, 418-681-7625 ou sur cécileramon.com. La Ligue québécoise d'impro BD, c'est un match unique où prouesse théâtrale côtoie coups de crayon inspirés. Des équipes composées de dessinateurs et d'improvisateurs s'affrontent au fil de matchs endiablés, surprenants et surtout divertissants. Dernière chance de voir la Ligue BD cette saison, grande finale 2015-2016 le dimanche 15 mai 20h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Information, liquibd.com. C'est un signal pour tourner l'arme de métal. Montréal New Wave, retour vers le futur. Qui vous dit que je n'en mourrai pas? Ne cherchez pas l'amour avec moi. Un film de Éric Simon. À l'affiche dès le 29 avril au Cinéma Cartier. À ne pas manquer sur La Fabrique culturelle. Avalé. Disparu. Oublié. Lorraine Côté propose un extrait de la pièce « Qui a peur de Virginia Woolf » présentée au Théâtre de la Bordée. Mais très loin à l'intérieur de moi-même, pour que personne s'en aperçoive, je pleure tout le temps. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. J'ai des essuie-glaces sur mes yeux, mon Georges, depuis que je t'ai épousée. Ben voyons, le monde est donc ben cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps.